toute puissance. En par cela et en cela, tu vas toi-même contempler que tu es un outil serré et contraint dans la main de sa toute puissance. Faqiran dalilan da'ifan aalizan. Toi, étant indigent, sans valeur, faible, sans capacité. Alors que la richesse, la puissance, la capacité, la volonté, n'appartiennent qu'à lui uniquement. Est-ce que tu, ce qu'il y a en toi comme activité et passivité? Nafsan wa qalban wa aqlan wa ruhan wa sam'an wa basaran wa shamman wa dawqan wa massan hiya wadi'atuhu wa amanatuhu fika wa indaka. Ce qu'il y a en toi comme capacité ou non, comme activité ou passivité, que ça relève du nafs, du cœur, de l'intellect, du ruh ou même des sens zahir comme Sam'an wa basaran wa shamman wa dawqan wa massan, comme l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, le toucher, tout cela, hiya wadi'atuhu wa amanatuhu fika wa indaka. Ça constitue son dépôt et la charge qu'il a déplacée en toi et auprès de toi. Fada'iman yunadika hisan wa ma'anan. إن الله يمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. Alors, فدائماً, alors en permanence, يناديكَ, il t'appelle, حسن ومعنى, d'une manière subtile, comme d'une manière claire. Il t'appelle en permanence. إن الله يمركم, et Allah vous donne l'ordre, أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها, en permanence, de remettre son dépôt et de remettre les dépôts à ceux à qui ils reviennent. C'est pourquoi le Arif, de toute chose et de toute condition, de tout acte, il ne doit choisir que l'acte le plus parfait. De toute parole, il ne doit prononcer que la parole la plus parfaite. Shah Samden continue en nous disant: وهذه الأمور المذكورة كلها أعطاك إياها ربك الكريم ومعرفتك بهذا العطاء المذكور وكونك تلاحظه دائما وتشهده أبدا هو شهود منة الله تعالى وهذه الأمور المذكورة. Et ces éléments, c'est tout ce qui a été mentionné ici, كلها, tout, أعطاك إياها ربك الكريم, c'est le don que t'a fait ton noble Seigneur. Et la connaissance que tu as de ce don mentionné. Et ton être, tu l'observes et tu la repères, daiman, en permanence. Et tu le contemples, lui, en permanence. Et en cela, tu contemples en permanence. Tu es en permanence dans la contemplation minnatullahi ta'ala, de la bienfaisance d'Allah, de la bonne impression en Dieu. Shah Sandem nous amène à la bonne impression dans les serviteurs de Dieu et nous amène à progresser jusqu'à cette seconde charte qui fait bénéficier des bienfaits de la tariqa, comme l'a dit Shah al-Islam, qui est shuhur minnatillahi ta'ala, qui est la contemplation de la bienfaisance de Dieu, de la contemplation permanente de la bienfaisance permanente d'Allah Ta'ala. Wa hadha huwa natijatu tawhid al-af'al wa thamaratu tawhid al-asma'i wa sifati wa mawalidu tawhid al-dhati wa suratu al-ikhlas bi nafsihi. Wa hadha isasi huwa natijatu tawhid al-af'al. Et ceci est la conséquence de l'unicité dans les actes. Ceci est le fruit de l'unicité dans les noms et dans les attributs. Ceci est la naissance de l'unicité dans l'essence. Et c'est l'image même de l'ikhlas, c'est l'image même de la purification dans et par l'exclusivité qu'exige l'unicité. ومن هنا في هذا الباب Dès lors, في هذا الباب, arrivé à ce stade-là, يتطرق الوالي العارف إلى كمال المحبة في الله. الوالي العارف, le saint connaissant, c'est-à-dire le wali doté de la marifat billahi, de la connaissance d'Allah, yatarqa, il progressera alors ila kamalil mahabbati fillah, jusqu'à un amour parfait d'Allah. Wa shawqil muflaq, et verra naître en lui un amour passionnel envers son Seigneur, ilayhi. Fayata'allaqa al-qalbu bi ar-rahman, alors son cœur adhérera à l'infiniment miséricordieux. Wa yubsitu ar-ruhu fil 'ali al-'azim, et son ruh se déploiera dans la présence d'Allah élevé et immense, al-'Ali al-'azim. Wa as-safa'u tajalli yuharikuhu wa an-nuru bisati yushawwiquhu, alors la pureté de la manifestation le fera se mouvoir. Wa an-nuru bisati yushawwiquhu, et la lumière se déployant le brûlera d'un amour passionné. وَهُنَا يُجَذِبُ الْحَقُّ إِلَيْهِ, c'est là que Allah, al-Haq, que le vrai, attirera alors son waliou jusqu'à lui. وَيُشْهِدُ خِيَامَ الدَّارِ, et que lui procurant alors ce jazbu, وَيُشْهِدُهُ الْخِيَامَ الدَّارِ, le harif parviendra alors à contempler خِيَامَ الدَّارِ, les tentes des demeures. وَيُخَاطِبُ نِسَاءَ الْخِيَامِ, et même qui parviendra à converser avec les femmes résidentes sous ses tentes. وَيُمَكِّنُهُ فِي الشُّهُودِ وَيُحَقِّقُهُ فِي الْمَعْرِفَةِ, il s'établira alors dans cette contemplation, وَيُحَقِّقُهُ فِي الْمَعْرِفَةِ, et il se réalisera dans la connaissance d'Allah. Charles Sandem mentionne ou fait allusion à خِيَامَ الدَّارِ, les tentes des demeures, et puis وَيُخَاطِبُ نِسَاءَ الْخِيَامِ, que dans ce degré de proximité, le harif qui a reçu de la part d'Allah, qui a reçu le jazbu de la part de son Seigneur, يُشَهِدُهُ خِيَامَ الدَّارِ, il parviendra à contempler les tentes des demeures, وَيُخَاطِبُ نِسَاءَ الْخِيَامِ, et parviendra même à converser avec les femmes résidentes sous ces demeures. Ici, il nous renvoie à ce qui a été mentionné, notamment dans le livre de Futuhatul Makiyya de Cheikh Al-Akbar ibn Arabi Al-Hakimi, radiallahu anhu, lorsqu'il mentionne les hommes de Dieu. Il dit que Allah, lorsque Allah dans le Coran dit Hurun maqsuratun fil khiyam, lorsqu'il mentionne ces Huri qui sont maqsuratun fil khiyam, Allah mentionne dans le Coran des Huri qui sont cloîtrés dans des tentes, sous des tentes. Cheikh Ibn Arabi al-Hakimi dit que ces houri mentionnés ici, ces êtres, ces femmes pures, j'insiste sur la notion de femme, puisque on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous a dit que awliya huwa wadi'atullah fi dunya, que les hommes de Dieu sont les épouses d'Allah sur terre. Puisque ça mentionne cette notion d'exclusivité. Une femme n'a qu'un seul, n'appartient qu'à un seul. Et bien de la même manière, Allah dit « Hurun maqsuratun fil khiyam » qu'il parle de ces houris qui sont cloîtrés dans ses tentes. Ibn Arabi dit qu'il s'agit des hommes de Dieu, qu'Allah a gardé pour lui exclusivement dans la jalousie de son unicité. Ici, Shah Sandem nous renvoie à cela en nous disant que celui à qui Allah a procuré les djezbou, il parviendra dans son état de proximité infinie avec Allah, il parviendra à voir ses tentes, c'est-à-dire les demeures de son unicité, les demeures de la jalousie d'Allah, parce que de son exclusivité. Et il parviendra même ici, le Arif, à converser avec les femmes de ses demeures, c'est-à-dire avec l'élite des hommes de Dieu de la proximité d'Allah. Et il s'établira alors dans cette contemplation, et il se réalisera dans la ma'rifa. Shah Sandem dit, c'est ça le jazbu rabbani, c'est ça l'attirance du Seigneur, et c'est ça l'accession sans retour. Ja'alana Allahu minhum, et qu'Allah nous place parmi cela. Amin. ومن هنا يصح لك تفويض الأمور إلى الله تعالى. Et dès lors, il s'authentifiera en toi et pour toi le fait de s'en remettre pleinement entre les mains d'Allah. Tafwid al-umur ila Allah. Le fait de s'en remettre entre les mains d'Allah. Comme nous l'a enseigné Cheikh al-Islam al-Khaji Ibrahim Agnès, il y a différents degrés de rémission entre les mains de Dieu. Il y a le tawakkul, taslim, wa tafwid. Le degré ultime étant ce degré de tafwid. Cheikh Hassan Dem radiallahu mentionne directement ce degré, mentionnant ainsi ce que Baï a exprimé comme étant la condition, la troisième charte qui font pleinement bénéficier des bienfaits de la tariqa, après la bonne impression en Allah. Celle-ci nous élève et nous emmène à la bonne impression dans les serviteurs de Dieu, puis à cette seconde charte qui font bénéficier des bienfaits de la tariqa, qui est de parvenir à être en permanence dans la contemplation des bienfaits d'Allah, puis de parvenir dans un état total de proximité en Dieu, à être dans un état de rémission absolue entre les mains d'Allah. وَمِنْ هُنَا يَصِّحُ لَكَ تَفْوِيدُ الْأُمُورِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. Que dès lors, tu authentifieras en toi une absolue rémission entre les mains d'Allah Ta'ala. وَتَرْكُحَ تَجْرِي فِي أَوْدِيَاتِ الْأَقْدَارِ. Tu passeras alors entre les vallées de ces décrets, entre les mains de celui qui domine toute chose, de celui qui est le dominateur sur ses serviteurs, de celui qui fait ce qu'il veut, de celui qui fait aller et venir en fonction de sa volonté et de son bon vouloir. Lui, Allah Ta'ala, exclusivement. وَمَا بَقِيَ إِلَى الْعُكُوفِ تَحْتَ أَقْدَارِهِ. Il ne restera alors Il ne restera مَا بَقِيَ إِلَى الْعُكُوفِ تَحْتَ أَقْدَارِهِ. Il ne restera alors plus qu'à se placer sous ses décrets. وَالْعُكُوفِ خَلَافَ أَحْكَامِهِ. À s'établir sous ses sentences. وَرِيدَ. Et son agrément, bihukumihi wa qadaihi, par son décret, par ses sentences et ses décrets. Wa iqamati salawatu al-khamsi, à accomplir les cinq prières, wa intidharu al-mauti, et à attendre la mort. Wa hadha huwa al-intifa'u fi tariqi, et ceci est le bienfait sur la voie, fi tariq, c'est-à-dire ici sur la voie d'une façon générale, c'est-à-dire sur la voie soufie. Il ne restera plus qu'à alors à se placer sous les décrets d'Allah et sous sa satisfaction, à accomplir les cinq prières dans l'attente de la mort. Une mort hisan wa ma'nan, zahiran wa batinan. Wa hadha huwa al-intifa'u fi tariq. Et ceci est le bénéfice sur la voie. Ceci est le bénéfice sur la voie soufi. Wa naylul muradi. Ceci est le vœu tant recherché, l'obtention du vœu tant recherché, fiha, sur la voie. Iz shuyukhi fi tariqi wa umdati al-muridina ma asasu turuqhum illa bi hadha al-ilm wa hadhihi al-anwar al-asrar. Car ash-shuyukhi fi tariqi, car les maîtres spirituels sur la voie soufie, wa umdati al-muridina, et les références parmi les aspirants, parmi les cheminants soufis. Ma assasu turuqhum, eux, ils n'ont fondé leur voie illa bihadha al-ilm, que par cette connaissance, wa hadhihi al-anwar al-asrari, et que par ces lumières et ces secrets-là. Wa hadha huwa al-murad al-matlub, et ceci est le vœu tant recherché. Wa al-maqsud al-aham, ceci est l'objectif tant aspiré fi tariqa, sur la voie soufie. وليس بوجود تسخير وإفادة الأرزاق وإقبال الخلق دون الوصول إلى هذا العلوم الفاخر المطلوب من طرق الأولياء ومذاهب الأصفياء. Car بوجود تسخير وإفادة الأرزاق وإقبال الخلق دون الوصول إلى هذا العلوم الفاخر المطلوب. Car une existence asservie, une pénurie des richesses, et que les créatures arrivent à un degré encore inférieur à celui de l'accession, il a l'ulum al-fakhira, à ses connaissances, à ses connaissances extraordinaires, à ses connaissances exquises, al-matloub, et qui sont tant recherchées. Ce genre d'existence-là, laïsa min turuq al-awliya, ça n'a rien à voir avec les voies des saints et des hommes de Dieu, ça n'a rien à voir avec la voie sur laquelle ont progressé les êtres de pureté, les êtres purifiés, les êtres de pureté. Wa min hadha al-matlabi kharraju min awtanihim. Parce que eux, ces maîtres soufis d'antan, des époques précédentes, wa min hadha al-matlabi, c'est justement pour, dans cette recherche-là, c'est dans cette quête-là, que eux, ils sont sortis de leur pays, qu'ils ont abandonné leur famille, et leurs enfants, qu'ils se sont séparés de leurs biens matériels, qu'ils ont renoncé à toute forme de bien, de possession, qu'ils ont été s'émanciper dans des déserts, et qu'ils ont été s'établir dans des grottes, des montagnes, dans des vallées, afin de se cramponner à la porte d'Allah, al-Malik al-Karim, al-Wahhib al-Rahman al-Rahim. Lui, Allah, le souverain, le noble, l'infiniment donateur, le généreux donateur, le miséricordieux par essence et par excellence. Dans cette recherche, dans cette ascèse dont ils ont fait preuve, ils ont été jusqu'à abandonner la nourriture le jour et le sommeil la nuit. Et que dans tout cela, dans tous ces efforts qu'ils ont faits, dans tous ces sacrifices qu'ils ont faits, ils ont été en cela de véritables concurrents qui se sont concurrencés. Wa Allah, je demande à Allah qu'il place en nos cœurs nur al-iman al-kamili, la lumière de la foi parfaite. Wa yujadhibuna ilayhi, et qu'il nous attire vers lui. Jazban haqiqiyan, d'un jazbu authentique, d'un djezbou véritable, le djezbou des plus grands maîtres spirituels parmi les plus grands hommes de Dieu, et qu'il nous établisse à sa porte, de l'établissement des hommes de Dieu, de la plus immense manifestation. Cela même qu'Allah regarde par l'œil de sa douceur, wa rahmatihi, et de sa miséricorde, wa shafaqatihi, et de sa sollicitude, wa inayatihi, et de sa prévenance, de son attention, wa ridwanihi, et de son agrément, wa jadbihim ilayhi, cela même qu'Allah a attiré vers lui, al-mahboubin al-muqarrabin al-mukhlisin al-muridin fi dunya wal-akhirati amin, et qui a fait d'eux al-muhibbina, ces êtres qu'il aime, al-muqarrabin, qu'il a rapproché de lui, al-mukhlisin, ces êtres aimés, rapprochés, purifiés, agréés, al-muridin fi dunya wal-akhirati, ici aussi bien dans le monde d'ici-bas que dans l'au-delà, amin. Shah Sandem radiallahu anhu dit, écrit, intahabi madinatu kaulach, ceci donc a été achevé d'écrire dans la ville de Kaulach, Bimadinatu Kaulach, Medina Bay, Yomathalatha, le jour du mardi 29, Mina Ramadan Mubarak, du mois béni de Ramadan, en l'an 1392, Hijriyatan de l'Égir. Le 29 Ramadan de l'an 1392, ce qui correspond au 6 novembre 1972. Alhamdulillah, alhamdulillah ya rabbil alamin, car nous augmentons en connaissance et nous donne un entendement éclairé.